Si le docteur Cottard croyait devoir partir en sortant de table pour retourner auprès d'un malade en danger, « Qui sait ?» lui disait Madame Verdurin. « Cela lui fera peut-être beaucoup plus de bien que vous n'alliez pas le déranger ce soir. Il passera une bonne nuit sans vous. Demain matin, vous irez de bonne heure et vous le trouverez guéri. » Dès le commencement de décembre, elle était malade à la pensée que les fidèles lâcheraient pour le jour de Noël et le 1er janvier. La tante du pianiste exigeait qu'il vînt dîner ce jour-là en famille chez sa mère à elle. « Vous croyez qu'elle en mourrait, votre mère ?» s'écria durement Madame Verdurin. « Si vous ne dîniez pas avec elle le jour de l'an, comme en province ?» Ses inquiétudes renaissaient à la Semaine Sainte. « Vous, docteur, un savant, un esprit fort, vous venez naturellement le vendredi saint comme un autre jour, » dit-elle à Cottard, la première année, d'un ton assuré comme si elle ne pouvait douter de la réponse. Mais elle tremblait en attendant qu'il l'eût prononcé, car s'il n'était pas venu, elle risquait de se trouver seule. « Je viendrai le vendredi saint vous faire mes adieux, car nous allons passer les fêtes de Pâques en Auvergne. »« En Auvergne, pour vous faire manger par les puces et la vermine, grand bien vous fasse. » Et après un silence, « Si vous nous l'aviez dit au moins, nous aurions tâché d'organiser cela et de faire le voyage ensemble dans des conditions confortables. » De même, si un fidèle avait un ami ou une habituée, un flirt qui serait capable de faire lâcher quelquefois, les Verdurin, qui ne s'effrayaient pas qu'une femme eût un amant pourvu qu'elle l'eût chez eux, l'aima en eux et ne le leur préféra pas, disait « Eh bien, amenez-le, votre ami !» Et on l'engageait à l'essai pour voir s'il était capable de ne pas avoir de secret pour Madame Verdurin, s'il était susceptible d'être agrégé au petit clan. S'il ne l'était pas, on prenait à part le fidèle qu'il avait présenté et on lui rendait le service de le brouiller avec son ami ou avec sa maîtresse. Dans le cas contraire, le nouveau devenait à son tour infidèle. Aussi, quand cette année-là, la demi-mondaine raconta à M. Verdurin qu'elle avait fait la connaissance d'un homme charmant, M. Swann, et insinua qu'il serait très heureux d'être reçu chez eux, M. Verdurin transmit-il séance tenante la requête à sa femme. Il n'avait jamais d'avis qu'après sa femme, dont son rôle particulier était de mettre à exécution les désirs, ainsi que les désirs des fidèles avec de grandes ressources d'ingéniosité. Voici Madame de Crécy qui a quelque chose à te demander. Elle désirerait te présenter un de ses amis, Monsieur Swann. Qu'en dis-tu? Mais voyons, est-ce qu'on peut refuser quelque chose à une petite perfection comme ça? Taisez-vous, on ne vous demande pas votre avis, je vous dis que vous êtes une perfection. Puisque vous le voulez, répondit Odette sur un ton de marivaudage, et elle ajouta « Vous savez que je ne suis pas fishing for compliments. » « Eh bien, amenez-le votre ami s'il est agréable. » Certes, le petit noyau n'avait aucun rapport avec la société où fréquentait Swann, et de pur mondain aurait trouvé que ce n'était pas la peine d'y occuper comme lui une situation exceptionnelle pour se faire présenter chez les Verdurin. Mais Swann aimait tellement les femmes qu'à partir du jour où il avait connu à peu près toutes celles de l'aristocratie et où elle n'avait plus rien eu à lui apprendre, il n'avait plus tenu à ses lettres de naturalisation, presque des titres de noblesse, que lui avait octroyé le faubourg Saint-Germain, que, comme à une sorte de valeur d'échange, de lettres de crédit dénuées de prix en elles-mêmes, mais lui permettant de s'improviser une situation dans tel petit trou de province ou tel milieu obscur de Paris, où la fille du hobereau ou du greffier lui avait semblé jolie. Car le désir ou l'amour lui rendait alors un sentiment de vanité dont il était maintenant exempt dans l'habitude de la vie, bien que ce fût lui, sans doute, qui autrefois l'avait dirigé vers cette carrière mondaine où il avait gaspillé dans les plaisirs frivoles les dons de son esprit et fait servir son érudition en matière d'art à conseiller les dames de la société dans leurs achats de tableaux et pour l'ameublement de leurs hôtels, et qui lui faisait désirer de briller, aux yeux d'une inconnue dont il s'était épris, d'une élégance que le nom de Swann à lui tout seul n'impliquait pas. Il le désirait surtout si l'inconnu était d'humble condition. De même que ce n'est pas à un autre homme intelligent qu'un homme intelligent aura peur de paraître bête, ce n'est pas par un grand seigneur, c'est par un rustre qu'un homme élégant craindra de voir son élégance méconnue. Les trois quarts des frais d'esprit et des mensonges de vanité qui ont été prodigués depuis que le monde existe par des gens qu'il ne faisait que diminuer l'ont été pour des inférieurs. Et Swann, qui était simple et négligent avec une duchesse, tremblait d'être méprisé, posait quand il était devant une femme de chambre. Il n'était pas comme tant de gens qui, par paresse ou sentiment résigné de l'obligation que crée la grandeur sociale de rester attaché à un certain rivage, s'abstiennent des plaisirs que la réalité leur présente en dehors de la position mondaine où ils vivent cantonnés jusqu'à leur mort, se contentant de finir par appeler plaisir, faute de mieux, une fois qu'ils sont parvenus à s'y habituer, les divertissements médiocres ou les supportables ennuis qu'elles referment. Swann, lui, ne cherchait pas à trouver jolies les femmes avec qui il passait son temps, mais à passer son temps avec les femmes qu'il avait d'abord trouvées jolies. Et c'était souvent des femmes de beauté assez vulgaire, car les qualités physiques qu'il recherchait, sans s'en rendre compte, étaient en complète opposition avec celles qui lui rendaient admirables les femmes sculptées ou peintes par les maîtres qu'il préférait. La profondeur, la mélancolie de l'expression glaçait ses sens, que suffisait au contraire à éveiller une chair saine, plantureuse et rose. Si en voyage il rencontrait une famille qu'il eût été plus élégant de ne pas chercher à connaître, mais dans laquelle une femme se présentait à ses yeux parée d'un charme qu'il n'avait pas encore connu, rester dans son quant à soi et tromper le désir qu'elle avait fait naître, substituer un plaisir différent au plaisir qu'il eût pu connaître avec elle, en écrivant à une ancienne maîtresse de venir le rejoindre, lui eût semblé une aussi lâche abdication devant la vie, un aussi stupide renoncement à un bonheur nouveau, que si, au lieu de visiter le pays, il s'était confiné dans sa chambre en regardant des vues de Paris. Il ne s'enfermait pas dans l'édifice de ses relations, mais en avait fait, pour pouvoir le reconstruire à pied d'œuvre sur de nouveaux frais partout où une femme lui avait plu, une de ces tentes démontables comme les explorateurs en emportent avec eux. Pour ceux qui n'en étaient pas transportables ou échangeables contre un plaisir nouveau, il l'eût donné pour rien, si enviable que cela parût à d'autres. Que de fois son crédit auprès d'une duchesse, fait du désir accumulé depuis des années que celle-ci avait eu de lui être agréable sans en avoir trouvé l'occasion, il s'en était défait d'un seul coup en réclamant d'elle par une indiscrète dépêche une recommandation télégraphique qui le mit en relation, sur l'heure, avec un de ses intendants dont il avait remarqué la fille à la campagne, comme ferait un affamé qui troquerait un diamant contre un morceau de pain. Même, après coup, il s'en amusait, car il y avait en lui, racheté par de rares délicatesses, une certaine muflerie. Puis, il appartenait à cette catégorie d'hommes intelligents qui ont vécu dans l'oisiveté, qui cherchent une consolation et peut-être une excuse dans l'idée que cette oisiveté offre à leur intelligence des objets aussi dignes d'intérêt que pourrait faire l'art ou l'étude, que la vie contient des situations plus intéressantes, plus romanesques que tous les romans. Il l'assurait du moins et le persuadait aisément aux plus affinés de ses amis du monde, notamment au baron de Charlus qu'il s'amusait à égayer par le récit des aventures piquantes qui lui arrivaient, soit qu'ayant rencontré en chemin de fer une femme qu'il avait ensuite ramenée chez lui Il eût découvert qu'elle était la sœur d'un souverain entre les mains de qui se mêlaient en ce moment tous les fils de la politique européenne, au courant de laquelle il se trouvait ainsi tenu d'une façon très agréable, soit que par le jeu complexe des circonstances, il dépendît du choix qu'allait faire le conclave s'il pourrait ou non devenir l'amant d'une cuisinière. Ce n'était pas seulement d'ailleurs la brillante phalange de vertueuses douairières, de généraux, d'académiciens, avec lesquels il était particulièrement lié, que Swann forçait avec tant de cynisme à lui servir d'entremetteur. Tous ses amis avaient l'habitude de recevoir de temps en temps des lettres de lui, où un mot de recommandation ou d'introduction leur était demandé, avec une habileté diplomatique qui, persistante à travers les amours successives et les prétextes différents, accusait, plus que n'eussent fait les maladresses, un caractère permanent et des buts identiques. Je me suis souvent fait raconter, bien des années plus tard, quand je commençais à m'intéresser à son caractère, à cause des ressemblances qu'en de toute autre partie il offrait avec le mien, que quand il écrivait à mon grand-père, qui ne l'était pas encore, car c'est vers l'époque de ma naissance que commença la grande liaison de Swann, et elle interrompit longtemps ses pratiques. Celui-ci, en reconnaissant sur l'enveloppe l'écriture de son ami, s'écriait « Voilà Swann qui va me demander quelque chose. À la garde !» Et soit méfiance, soit par le sentiment inconsciemment diabolique qui nous pousse à n'offrir une chose qu'aux gens qui n'en ont pas envie, mes grands-parents opposaient une fin de non-recevoir absolue aux prières les plus faciles à satisfaire qu'ils leur adressaient, comme de le présenter à une jeune fille qui dînait tous les dimanches à la maison et qu'ils étaient obligés, chaque fois que Swann leur en reparlait, de faire semblant de ne plus voir, alors que pendant toute la semaine, on se demandait qui on pourrait bien inviter avec elle, finissant souvent par ne trouver personne, faute de faire signe à celui qui en eût été si heureux. Quelquefois, tel couple ami de mes grands-parents et qui jusque-là s'était plaint de ne jamais voir Swann, leur annonçait avec satisfaction, et peut-être un peu le désir d'exciter l'envie, qu'il était devenu tout ce qu'il y a de plus charmant pour eux, qu'il ne les quittait plus. Mon grand-père ne voulait pas troubler leur plaisir, mais regardait ma grand-mère en fredonnant « Quel est donc ce mystère ? Je n'y puis rien comprendre. » Ou « Vision fugitive. » Ou « Dans ses affaires, le mieux est de ne rien voir. » Quelques mois après, si mon grand-père demandait au nouvel ami de Swann « Et Swann, le voyez-vous toujours beaucoup ?» La figure de l'interlocuteur s'allongeait. « Ne prononcez jamais son nom devant moi. Mais je croyais que vous étiez si liés. » Il avait été ainsi pendant quelques mois le familier de cousin de ma grand-mère, dînant presque chaque jour chez eux. Brusquement, il cessa de venir sans avoir prévenu. On le crut malade, et la cousine de ma grand-mère allait envoyer demander de ses nouvelles. Quant à l'office, elle trouva une lettre de lui qui traînait par mégarde dans le livre de comptes de la cuisinière. Il y annonçait à cette femme qu'il allait quitter Paris, qu'il ne pourrait plus venir. Elle était sa maîtresse, et au moment de rompre, c'était elle seule qu'il avait jugé utile d'avertir. Quand sa maîtresse du moment était au contraire une personne mondaine, ou du moins une personne qu'une extraction trop humble ou une situation trop irrégulière n'empêchait pas qu'il fît recevoir dans le monde, alors pour elle il y retournait, mais seulement dans l'orbite particulier où elle se mouvait, ou bien où il l'avait entraînée. « Inutile de compter sur Swann ce soir, disait-on. Vous savez bien que c'est le jour d'opéra de son américaine. » Il la faisait inviter dans les salons particulièrement fermés où il avait ses habitudes, ses dîners hebdomadaires, son poker. Chaque soir, après qu'un léger crépelage ajouté à la brosse de ses cheveux roux avait tempéré de quelque douceur la vivacité de ses yeux verts, il choisissait une fleur pour sa boutonnière et partait pour retrouver sa maîtresse à dîner chez l'une ou l'autre des femmes de sa coterie. Et alors, pensant à l'admiration et à l'amitié que les gens à la mode, pour qui il faisait la pluie et le beau temps, et qu'il allait retrouver là, lui prodigueraient devant la femme qu'il aimait, il retrouvait du charme à cette vie mondaine sur laquelle il s'était blasé, mais dont la matière, pénétrée et colorée chaudement d'une flamme insinuée qui s'y jouait, lui semblait précieuse et belle, depuis qu'il y avait incorporé un nouvel amour. Mais, tandis que chacune de ces liaisons, ou chacun de ces flirts, avait été la réalisation plus ou moins complète d'un rêve né de la vue d'un visage ou d'un corps que Swann avait spontanément, sans s'y efforcer, trouvé charmant. En revanche, quand un jour au théâtre il fut présenté à Odette de Crécy par un de ses amis d'autrefois, qui lui avait parlé d'elle comme d'une femme ravissante, avec qui il pourrait peut-être arriver à quelque chose, mais en la lui donnant pour plus difficile qu'elle n'était en réalité, afin de paraître lui-même avoir fait quelque chose de plus aimable en la lui faisant connaître, elle était apparue à Swann, non pas certes sans beauté, mais d'un genre de beauté qui lui était indifférent, qui ne lui inspirait aucun désir, lui causait même une sorte de répulsion physique. De ces femmes comme tout le monde a les siennes, différentes pour chacun, et qui sont l'opposé du type que nos sens réclament. Pour lui plaire, elle avait un profil trop accusé, la peau trop fragile, les pommettes trop saillantes, les traits trop tirés. Ses yeux étaient beaux, mais si grands qu'ils fléchissaient sous leur propre masse, fatiguait le reste de son visage et lui donnait toujours l'air d'avoir mauvaise mine ou d'être de mauvaise humeur. Quelque temps après cette présentation au théâtre, elle lui avait écrit pour lui demander à voir ses collections qui l'intéressaient tant, elle, ignorante, qui avait le goût des jolies choses, disant qu'il lui semblait qu'elle le connaîtrait mieux quand elle l'aurait vu dans son home, où elle l'imaginait si confortable avec son thé et ses livres, quoiqu'elle ne lui eût pas caché sa surprise qu'il habitât ce quartier qui devait être si triste et qui était si peu smart pour lui qu'il était tant. Et après qu'il l'eût laissé venir, en le quittant, elle lui avait dit son regret d'être restée si peu dans cette demeure où elle avait été heureuse de pénétrer, parlant de lui comme s'il avait été pour elle quelque chose de plus que les autres êtres qu'elle connaissait, et semblant établir entre leurs deux personnes une sorte de trait d'union romanesque qui l'avait fait sourire. Mais à l'âge déjà un peu désabusé dont approchait Swann, et où l'on sait se contenter d'être amoureux pour le plaisir de l'être, sans trop exiger de réciprocité, ce rapprochement des cœurs, s'il n'est plus comme dans la première jeunesse le but vers lequel tend nécessairement l'amour, lui reste uni en revanche par une association d'idées si forte qu'il peut en devenir la cause, s'il se présente avant lui. Autrefois, on rêvait de posséder le cœur de la femme dont on était amoureux. Plus tard, sentir qu'on possède le cœur d'une femme peut suffire à vous en rendre amoureux. Ainsi, à l'âge où il semblerait, comme on cherche surtout dans l'amour un plaisir subjectif, que la part du goût pour la beauté d'une femme devait y être la plus grande, l'amour peut naître, l'amour le plus physique, sans qu'il y ait eu à sa base un désir préalable. À cette époque de la vie, on a déjà été atteint plusieurs fois par l'amour. Il n'évolue plus seul suivant ses propres lois inconnues et fatales, devant notre cœur étonné et passif. Nous venons à son aide, nous le faussons par la mémoire, par la suggestion. En reconnaissant un de ces symptômes, nous nous rappelons, nous faisons renaître les autres. Comme nous possédons sa chanson gravée en nous tout entière, nous n'avons pas besoin qu'une femme nous en dise le début, remplie par l'admiration qu'inspire la beauté, pour en trouver la suite. Et si elle commence au milieu, là où les cœurs se rapprochent, où l'on parle de n'exister plus que l'un pour l'autre, Nous avons assez l'habitude de cette musique pour rejoindre tout de suite notre partenaire au passage où elle nous attend. Odette de Crécy retourna voir Swann, puis rapprocha ses visites, et sans doute chacune d'elles renouvelait pour lui la déception qu'il éprouvait à se retrouver devant ce visage dont il avait un peu oublié les particularités dans l'intervalle, et qu'il ne s'était rappelé ni si expressif, ni, malgré sa jeunesse, si fané. Il regrettait, pendant qu'elle causait avec lui, que la grande beauté qu'elle avait ne fût pas du genre de celle qu'il aurait spontanément préférée. Il faut d'ailleurs dire que le visage d'Odette paraissait plus maigre et plus proéminent, parce que le front et le haut des joues, cette surface unie et plus plane, était recouverte par la masse de cheveux qu'on portait alors prolongée en devant, soulevée en crêpée, répandue en mèches folles le long des oreilles. Et quant à son corps, qui était admirablement fait, il était difficile d'en apercevoir la continuité. À cause des modes de l'époque, et quoiqu'elle fût une des femmes de Paris qui s'habillait le mieux, tant le corsage, s'avançant en saillie comme sur un ventre imaginaire, et finissant brusquement en pointe, pendant que par en dessous commençait à s'enfler le ballon des doubles jupes, donnait à la femme l'air d'être composée de pièces différentes mal emmanchées les unes dans les autres. Tant les ruchers, les volants, le gilet suivaient en toute indépendance, selon la fantaisie de leur dessin ou la consistance de leur étoffe, la ligne qui les conduisait aux nœuds, aux bouillons de dentelle, aux effilés de jets perpendiculaires, ou qui les dirigeait le long du busc, mais ne s'attachait nullement à l'être vivant, qui, selon que l'architecture de ses fanfreluches se rapprochait ou s'écartait trop de la sienne, s'y trouvait engoncé ou perdu. Mais, quand Odette était partie, Swann souriait en pensant qu'elle lui avait dit combien le temps lui durerait jusqu'à ce qu'il lui permît de revenir. Il se rappelait l'air inquiet, timide, avec lequel elle l'avait une fois prié que ce ne fût pas dans trop longtemps. Et les regards qu'elle avait eus à ce moment-là, fixés sur lui en une imploration craintive, et qui la faisaient touchante sous le bouquet de fleurs de pensées artificielles fixées devant son chapeau rond de paille blanche à bride de velours noir. « Et vous ? » avait-elle dit. « Vous ne viendriez pas une fois chez moi prendre le thé ?» Il avait allégué des travaux en train, une étude, en réalité abandonnée depuis des années, sur Vermeer de Delft. « Je comprends que je ne peux rien faire, moi, chétive, à côté de grands savants comme vous autres, » lui avait-elle répondu. « Je serais comme la grenouille devant l'arrêt au page. Et pourtant j'aimerais tant m'instruire, savoir, être initiée. Comme cela doit être amusant de bouquiner, de fourrer son nez dans de vieux papiers !» avait-elle ajouté avec l'air de contentement de soi-même que prend une femme élégante pour affirmer que sa joie est de se livrer sans crainte de se salir à une besogne malpropre, comme de faire la cuisine en mettant elle-même les mains à la pâte. « Vous allez vous moquer de moi, ce peintre qui vous empêche de me voir !» Elle voulait parler de Vermeer. « Je n'avais jamais entendu parler de lui. Vit-il encore? Est-ce qu'on peut voir de ses œuvres à Paris pour que je puisse me représenter ce que vous aimez, deviner un peu ce qu'il y a sous ce grand front qui travaille tant, dans cette tête qu'on sent toujours en train de réfléchir, me dire « Voilà, c'est à cela qu'il est en train de penser. Quel rêve ce serait d'être mêlé à vos travaux !» Il s'était excusé sur sa peur des amitiés nouvelles, ce qu'il avait appelé par galanterie sa peur d'être malheureux. « Vous avez peur d'une affection ? Comme c'est drôle ! Moi qui ne cherche que cela ! Qui donnerait ma vie pour en trouver une ? » avait-elle dit d'une voix si naturelle, si convaincue, qu'il en avait été remué. « Vous avez dû souffrir par une femme, et vous croyez que les autres sont comme elle ? Elle n'a pas su vous comprendre, vous êtes un être si à part. C'est cela que j'ai aimé d'abord en vous. J'ai bien senti que vous n'étiez pas comme tout le monde. » Et puis d'ailleurs vous aussi, lui avait-il dit. Je sais bien ce que c'est que les femmes, vous devez avoir des tas d'occupations, être peu libre. Moi, je n'ai rien à faire, je suis toujours libre, je le serai toujours pour vous. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où il pourrait vous être commode de me voir, faites-moi chercher, je serai trop heureuse d'accourir. Le ferez-vous? Savez-vous ce qui serait gentil? Ce serait de vous faire présenter à Madame Verdurin chez qui je vais tous les soirs. Croyez-vous, si on s'y retrouvait, si je pensais que c'est un peu pour moi que vous y êtes?